Bonjour, mes amis. Hier soir, je me suis rendu à la première de la nouvelle revue du Lido. Ça s'appelle Bonheur et ça mérite bien son nom. Comme le Lido fait partie du folklore français, j'avais été avec mes cousins, Gunther le barbare, Luther le pervers, Kurt la brute. Ah, quand j'étais au Tyrol l'année dernière, il m'avait demandé cette petite faveur. Notamment Luther le pervers, qui avait particulièrement insisté. Il m'avait dit, allez, Helmut, fais pas ta pute, emmène-nous voir les petites femmes de Paris qui dansent le curler avec le sourire des vaches qui vont au taureau. Il m'avait dit ça en bavant en arrachant ses vêtements. Du coup, on s'est retrouvés devant le Lido avec la famille, plus Zouzou, qui avait vu sur l'affiche le chanteur de la nouvelle revue et qui tenait absolument à le demander en mariage. Au bout d'une demi-heure de queue, Kurt, la brute, commence à légèrement s'impatienter. « Si on n'ouvre pas ces putains de portes tout de suite, je bouffe le tapis rouge et la caissière !» a dit Kurt, vert de rage, accroché à un des lustres du hall d'entrée, avec dans la main droite les testicules d'un des vigiles de l'établissement. Une fois Kurt, la brute, calmé par la fléchette hypodermique que lui a tiré le vétérinaire de service, nous sommes rentrés dans la salle du Lido. Après un quart d'heure d'attente, le rideau s'est levé et les lumières se sont allumées. Il était temps, je vous le dis. Gunther le barbare avait déjà bouffé deux banquettes, une table et six lampes. Il commençait à s'attaquer à la chaussure droite d'un des serveurs. Et puis le show a commencé et le chanteur s'est élancé. Je crois qu'il a eu le temps de dire « Paris bonheur », c'est-à-dire deux mots, quand d'un seul coup, Zouzou est sorti des coulisses en string à paillettes et lui a sauté dessus en criant « Wow, tu me plais, toi ! Allez, viens avec nous, Zouzou, on va aller faire des étincelles avec nos corps. Toi et Zouzou, c'est pour la vie tout nu au soleil tropical. Si tu vas demain matin, le Zouzou, il te pose devant le curé, le père Michou. Allez, viens, tu vas être la femme à Zouzou, ou bien son mari, si tu veux. » Jusque-là, tout allait bien. C'est quand Zouzou a mordu les fesses du chanteur que ça s'est gâté. Les videurs sont arrivés, ils ont attrapé Zouzou. Du coup, mes cousins sont montés sur scène pour se battre avec les videurs. Ah, devant tout ce bordel, j'ai eu un réflexe malheureux. J'ai pris la caisse de schnapps derrière le bar, j'ai les vidé en 4 minutes 32 secondes. Comme j'avais bu un peu vite, j'ai commencé à avoir des convulsions. Le barman s'approchait de moi, je l'ai jeté par terre, je lui fais pipi dessus. Oh, dans toute cette confusion, les danseuses ont essayé de s'enfuir. C'était sans compter sur la vigilance de Luther le pervers, qui depuis la scène m'a discrètement prévenu de leur fuite. Attention, là-bas à droite, il y a les danseuses qui se barrent, arrêtez-les, bordel! Je me suis mis devant elle et j'ai eu l'idée brillante de me faire passer pour un responsable de la sécurité. Tout va bien, mesdemoiselles, pas de panique, suivez-moi, je vais vous protéger, nous allons sortir d'ici, tout va bien se passer. Et puis elles m'ont suivi. C'est là que je me suis dit que ça devait être vraiment con une danseuse pour croire un type à poil en sueur, chef de la sécurité. J'ai fait monter tout le monde dans un bus dont le chauffeur attendait un groupe de japonais. Mes trois cousins m'ont rejoint et roule ma poule. On a fait 629 fois le tour du périph' à fond la caisse. On s'est marré comme des dingues. Luther, le pervers et moi, on a fait... on a fait l'amour avec toutes les filles sans exception. Kurt la brute était accroché au dos du chauffeur, il l'a frappé pendant 2 heures. Et enfin Gunther le barbare s'est amusé comme un fou à grignoter le toit du bus. Ah, quelle soirée. Bon, je vous laisse, j'ai reçu un texto de Zouzou, il doit se marier dans 2 heures. La cérémonie a lieu au Queen, je me dépêche. Au revoir.